Jutta. Mandi Kavala, Emily. C'est juste pour laisser le temps à la parole de Dieu, à l'enseignement. C'est là donc que nous, depuis jusqu'à le Seigneur nous a permis encore ce jour-là. Il faut que nous profitions très tôt. Et Bakadi, Yawakadi, Neba. Même ceux qui viennent en retard, ils vont être au moins. Ça qui tombe fou, mais Tawan Amen. Alléluia. Amen. Je vais prions. Il est Tora. Le Seigneur. Je me rao. Appelez le nom de Tano avec le Bertrand. Pao Kadimi de Achawakati, ya frère Bertrand Kadi. Hola Eli. Mon frère. Pompe Amen Kadi. Nous sommes vraiment venus un jour. Et de mettre leur voix dans le plan de Dieu. Ils sont avec nous. Et nous allons maintenant se recommander. Que Dieu parle à ton âme. C'est ton âme qui est en danger. C'est mon âme qui est en danger. Et en enfer avec lui ensemble. Pour lui, c'est des sacs. Le ciel est serré que le diable. Et il n'y a plus de parole. Il n'y a pas seul. Il n'y a pas seul. Les créatures de Dieu. Toi qui est l'image de Dieu. Nous descendons tous dans le ciel. Mais nous sommes dans la prière. Amen. Il n'y a pas de Je demande à la guitare chef de vous apporter. Il faut qu'il nous plonge encore dans le sang de Jésus. C'est le frère Colbert. Oui, le frère Colbert. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel Dieu pour cette grâce infinie que tu continues à manifester dans notre vie. Amen. Merci pour mes bien-aimés que tu as amenés de partout. Et ceux que tu as amenés de Douala, nous sommes tous réunis pour la même cause. Amen. Celle de nous rencontrer et au ciel avec toi, Amen. Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'implorons en ce moment, afin que tu descends, que tu fasses descendre ton esprit, que le Saint-Esprit remplisse cette salle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nos cœurs soient remplis de ton esprit, Amen. Et que toute interférence ennemie, nous lèvons contre lui et nous le repoussons énergiquement au nom de Jésus. Qu'il s'en aille. Amen. Et qu'il sorte d'ici par ce chemin. Jésus. Gloire et honneur à toi parce que ce matin, tu vas nous parler. Amen. Je sais que ce matin, nos cœurs seront remplis de joie, remplis de ta parole. Oui, Seigneur. Manifeste-toi en cette matinée par la bouche et de tes serviteurs. Et nous t'écoutons. Que tout ce que tu as prévu soit enseigné dans son exactitude. Amen. Et entièrement au nom de Jésus. Sois béni, élevé, exalté, parce que tu es Dieu vivant. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur toi, Éternel Dieu, parce que tu es notre Père. Gloire et honneur à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Bonjour, bienvenue. Je ne vais pas, trop parler. Parce que le frère était déjà là hier. Mais pour ceux qui n'étaient pas là hier, alléluia, c'est pour eux que je vais parler ici. Il y a, le Seigneur a permis que le frère que nous avons tant attendu soit au milieu de nous. Il y a de cela après ces deux semaines aujourd'hui. Vous avez fait comprendre qu'il devait plutôt être là jeudi. Parce que c'était prévu qu'il soit là. Jeudi. Donc, et le Seigneur a permis qu'il soit plutôt la vendredi. Et il est arrivé hier avec trop de retard parce que à Douala déjà, ils ont mis l'heure du départ dans les biais. Mais ils n'ont pas respecté cette heure-là. Et quand l'avion a quitté Douala, ils ont dû faire escale d'abord à Yaoundé. Et tout ceci a fait à ce qu'ils arrivent ici un peu tard, aux environs de 17h30. Le temps pour nous de prendre dans le véhicule et arriver ici. Nous sommes arrivés ici aux environs de 18h30. Beaucoup étaient déjà partis. Et je sais que certainement parce que beaucoup étaient fatigués. Mais si ça ne dépendait que du frère, on commençait le travail hier. Parce que lui, il veut vraiment faire son travail. Et je vous réitère encore ce qu'il avait dit et que je vous avais déjà dit. Il avait dit, est-ce que il est vraiment sûr que les frères vont tenir? J'espère que vous êtes vraiment clair parce que c'est quelqu'un quand il commence. Il met vraiment long dans la, et il enseigne vraiment pendant longtemps. Pour ceux qui cherchent vraiment Dieu, ils vont rencontrer Dieu. Je ne peux plus rien ajouter. Je veux inviter ici le frère Junior qui est au milieu de nous tous ici. Et lui-même encore certainement aura des choses à nous dire. Frère Junior, nous t'accueillons. Soyez là, nous t'accueillons. Que le Seigneur te bénisse. Sois la bienvenue, frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les frères sont à votre disposition. Mm. Faites votre travail. Je ne suis pas seul, je suis venu avec le frère Hervé qui est là. Que Dieu vous bénisse. Le frère Hervé, qui parle là? Tu parles en patois là, non? Oui. Viens donc à côté de moi. Viens à côté de moi. Prends ta Bible. Que Dieu te bénisse. Ceux qui sont derrière vous, les femmes qui sont derrière vous m'entendez quand ils parlent? Je crois qu'il y a des places ici. Il y a des places ici derrière vous. Si vous pouvez avancer, avancez. Venez, venez, mes mamans, mes soeurs, venez. Venez. Avancez. Je vais être sûr que vous m'entendez bien. Je crois qu'hier, quand nous étions ici la nuit, on m'a parlé d'un pasteur de CMC qui était là. Il n'est pas encore venu. Ok. La Bible là, c'est en foulevé. Non, c'est pas en foulevé, c'est en français. Mais tu vas traduire donc comment alors? Quand je vais c'est ici, un verset biblique, comment vous allez lire? Oui, je fais. Tu vas traduire directement. Surveillez-le, s'il parle en foulevé. Si c'est pas vraiment ça, vous levez ma main, vous dites que c'est pas ça. Parce qu'il faut que ça soit bien compris, comme je dis. Est-ce qu'on peut faire l'erreur sur les constructions de la maison? On fait l'erreur sur nos histoires de la maison. Mais pour la parole de Dieu, ça doit être prêché tel que c'est écrit. Donc si ça doit être restitué, il faut que ça soit identique. Parce que le Seigneur a dit qu'on sera jugé. par elle. Donc malheur à nous si nous nous tenons devant les âmes comme ça, on transmet une autre chose autre que sa parole. Donc s'il vous plaît, veillez donc à ce que ça soit exactement ça qu'il dit en patois. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc je m'excuse déjà d'avoir perturber votre programme parce que je sais que normalement vous ne vous réunissez pas les samedis. Donc déjà quittez vos lieux de service et tous les autres programmes pour venir. Ça veut dire que vous aimez le Seigneur. Et en plus ça c'est pas un homme que vous êtes venu voir parce que moi je ne suis comme je suis exactement comme vous. Jésus-Christ seul doit être élevé. C'est lui en fait qui est mort sur la croix pour nous. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous le permettez, on incline nos têtes, on prie d'abord, d'accord? Tendre Père, nous voici au devant de toi. Ne sachant pas, ô Dieu de gloire, ce que tu as prévu, mais toi, si tu connais les désirs de nos âmes, toi, si tu connais le besoin de cette heure, toi, si tu connais ce peuple-ci, et tu les as choisis avant la fondation du monde, tu as destiné cette heure pour ta gloire. Seigneur Dieu de gloire, je prie, Père, que ta lumière soit dans les cœurs, que ta lumière soit dans les âmes et que les cœurs s'y soient amenés devant de ton trône au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie au Père de gloire que tu les prennes sous ton contrôle et que tu leur donnes encore la nourriture pour ce moment, pour cette heure, Père de gloire, pour leur propre vie. Mais voici, Père de gloire, maintenant devant l'Assemblée, je prie au Dieu de gloire que tu fasses ce dont tu as besoin et ce que tu as prévu pour cette heure. Que toute la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si vous voulez, levons-nous et saluons-nous les uns les autres jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les salutations. Saluons-nous. Que Dieu vous bénisse. Il veut vous saluer, d'accord? Je sais que vous êtes nombreux, mais il veut quand même vous saluer vous tous. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous, saluez-vous, saluez-vous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez-vous, saluez-vous. Faites l'effort de saluer tout le monde. Ça va, mon frère? Bien dormi? Bien. Que le Seigneur te bénisse. Bon allez, encore. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonjour, mon frère. Bonjour, bonjour. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Vous savez comment on venait au fur et à mesure, les gens ne se sont pas salués. Très Paul, ça va. Ça va bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, mon cher, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, mon cher, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Oui, maman, tes enfants là, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Encore. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma chère. Je crois qu'il a salué ici. Vous êtes nombreux vraiment. Il croit qu'il salue déjà même trois fois, mais il ne vous remarque pas. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'il n'a pas ignoré quelqu'un. J'ai salué ici. Viens d'un salut ici. Oh, quand même. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Où est le frère Paul qui traduit là? Ok. Oui, que Dieu te bénisse, mon cher. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Ah, le frère, c'est le frère. Oui, hier soir, on n'a pas eu le temps de saluer. C'est la CMC. Hein. Bonne arrivée, mon cher. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Que Dieu bénisse. Sortons donc la Bible. Sortons vos Bibles. Mais apparemment, vous avez besoin de Bible ici, c'est ça? Il y a beaucoup. Il n'y a pas assez de Bible ici. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes là-dedans. Les jeunes. Ils n'ont pas les Bibles. Donc, okay. Donc il lit la Bible parce que les petits bleus là c'est pas la Bible complète, il vous faut les Bibles. Donc on va vous les expédier. Par la grâce de Dieu, on va vous les expédier. Vous en avez besoin. Mais, frère, je crois que si on envoie la Bible par avion, par cargo militaire, on peut envoyer en ton nom. Voilà, donc on va faire le fond, on va lui envoyer comme il a l'air. Là-bas, il va vous expédier ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est une joie pour moi d'être au milieu de vous aujourd'hui. Quand on était dans l'avion et que l'avion voulait atterrir, j'ai vu votre territoire avec les maisons disséminées partout. Et j'ai dit à mon frère Hervé que eux ils sont bien. Je disais que vous êtes bien parce que vous n'êtes pas infesté par ces choses, l'influence du monde. Beaucoup. Parce que nous qui sommes en ville et ceux qui habitent en ville, il y a des choses, des blancs, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Ces choses-là, les choses du péché, au là-bas, les bruits et autres. Donc vous avez de bons moments, vous pouvez avoir de bons moments avec Dieu, avec cette, le fait que vous êtes retiré du monde. Il n'y a pas trop d'influence. Mais il y a une chose, qui est ces choses de la ville ou pas? Vous pouvez être à l'écart dans la brousse, dans le calme, mais jusque là vous êtes dans les ténèbres. Mais pas des ténèbres qu'il n'y a pas la lumière physique. Que les cœurs sont entourés de ténèbres. Ceux qui entrent là, venez. Venez, entrez. Donc si vous avez vos portables que vous voulez enregistrer, si la que vous voulez enregistrer, ce qui va être dit, mettez en mode avion. Et si vous ne voulez pas enregistrer, éteignez carrément. Pour que ça ne pète pas, s'il vous plaît, vérifiez que votre téléphone est éteint. Que ça ne pète pas. Donc vérifiez votre téléphone que c'est fermé. Fermé. Oui. Je crois que vous, la majorité d'entre vous devait être à jeûne, n'est-ce pas? Vous êtes habitué avec le jeûne ici? Bon, si vous n'êtes pas habitué avec le jeûne, on va en prendre 2 jours. Parce qu'on est là jusqu'à mercredi, c'est ça? Mercredi. Vous pouvez jeûner quand même, non? Vous ne pouvez pas foncer avec le Seigneur sans jeûner, ça ne marchera pas. Donc si vous le voulez bien, on va prendre les journées de demain et après demain dans le jeûne. Et puis quand on va se réunir, si on va prier. Vous avez prié dans vos propos là, vous avez dit que le Saint-Esprit descend. Donc il faut qu'on se réunisse, on prie pour que s'il y a des démons et n'importe quoi qui se trouve là, que ça sorte. Vous êtes d'accord? Souvenez-vous, vous pouvez avoir des démons sans vous en rendre compte. Et on va se tenir là, on va commencer à prier. Des choses vous arrivent, après vous commencez à dire, mais donc moi-même j'avais le démon sur moi. Donc le Seigneur, si le Seigneur permet, on va prier également. Parce que la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais avec puissance. D'accord. Si vous lisez la Bible bien, vous allez voir que le Seigneur a dit à ses disciples qu'il allait prêcher. Mais il dit aussi que guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc le Seigneur savait que sur le chemin d'aller prêcher, il y aura le besoin du corps. Les gens seront malades, possédés. Et donc sa puissance est là pour faire ces choses-là. Donc s'il y a des problèmes, le Seigneur va vous visiter. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut commencer, n'est-ce pas? Voilà. Je vais commencer donc par, si vous avez des questionnements, vous avez n'importe quelle question de la Bible, vous posez. Sentez-vous libre de poser toutes les questions. Donc je suis à votre service maintenant. Et comme le frère Bertrand a dit, souvenez-vous, quand il veut prêcher, s'il remarque que vous êtes fatigué, il veut vous donner 5 minutes, vous vous retirez, vous vous tirez d'abord et puis on continue. Ne regardez pas le temps. Ne regardez pas le temps. Parce que ce qu'on va faire là, c'est plus important que tout ce que vous allez faire par la suite. Vous remarquez que j'ai abandonné ma famille. Je ne suis même pas venu avec mon portable. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un m'appelle pour me concentrer avec vous. Donc, mon portable se trouve à Douala, mon téléphone se trouve à Douala. Donc parce qu'il veut me concentrer avec vous. C'est la plus importante des choses que quelqu'un puisse avoir dans la vie ici. Donc le Seigneur vous aime. Alors, derrière vous m'entendez, n'est-ce pas? Les femmes, vous m'entendez là-bas? Ok, donc poser des questions. Si on n'a pas de questions, je prends un sujet dans la Bible et on développe au fur et à mesure. Sentez-vous libre de poser n'importe quelle question concernant les Saintes Écritures. N'importe quelle question. J'ai une question. Oui, mon frère. Naître de nouveau là, par comment? Et seulement parler en langue ou bien naître de nouveau là, c'est comment on doit faire pour naître de nouveau? Bonne question. Oui, Kadi, à la tête, que sont les idées vigonnes, mal à voir le condamnant de question de l'idée vigonne ou de femme ou Donc, il touche ici deux sujets de la Bible qui sont complexes. Au même à l'Okadi, Hori, à la dîner de Terre Kadi, un loup de bouton, une facile. Pas que la Bible est complexe. N'a pas de faire un cadet pour du tout, mais que sur le paysage religieux maintenant, et donc là, tu vas dire un gars d'affou, il y a tellement enseignements concernant ces sujets-là. Donc il a touché la nouvelle naissance et le parler en langue. Il demande que naître nouveau c'est comment? Est-ce qu'on parle en langue? Maintenant si on pose n'importe quelle question de la Bible, c'est la Bible qui doit devoir répondre. Et donc il faut qu'on réponde de la manière de la Bible. Mais il y a un problème dès le départ. Il se pourrait qu'on ait à écouter quelque chose dès le départ qui soit fausse. Il faut être à même d'admettre la vérité. C'est la principale difficulté qu'a eu le Seigneur Jésus quand il était sur la terre. Vous lisez votre Bible. Vous lisez de Genèse à Malachie. Vous ne verrez nulle part les pharisiens. Nulle part les sadducéens. Nulle part les hellénistes. Encore moins les synagogues. Subitement, Jésus vient sur la scène. On commence à parler des souverains sacrificateurs, les principaux. Des sadducéens, des pharisiens. Pourtant, quand Dieu avait donné la loi à Moïse, il s'est choisi une classe de personnes qui devait diriger. Vous me suivez, n'est-ce pas? Il faut que je mette les bases avant de répondre à la question. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, il a choisi Aaron et ses fils pour officier devant lui comme sacrificateur. Et il a associé à Moïse les Lévites. Mais vous lisez le Nouveau Testament. La Bible déclare que Paul était un pharisien. Donc un docteur qui enseignait au peuple. Connaissez-vous la nationalité, la tribu de l'apôtre Paul? Qui connaît sa tribu? Oui. Il est de la tribu de Benjamin. De Benjamin. Merci. La question se pose tout naturellement. Comment quelqu'un de Benjamin s'est retrouvé désormais dans la sacrificature? Alors que la loi de Dieu disait que c'est la tribu de Lévi ou les Lévites. Et la tribu les descendants d'Aaron pour le sacrificateur. Ça veut dire que les Juifs avaient cette Bible si la Torah, mais avaient établi avec la Torah leur propre tradition. Donc la religion vient sur la scène quand on commence à mélanger la parole avec la tradition des hommes. Jésus va trouver ces problèmes-là sur la terre. Avant lui, Jean-Baptiste va trouver le même problème. Si vous lisez Luc chapitre 3, Jean-Baptiste baptisait. Et la Bible dit que le peuple venait à lui et demandait: que faut-il faire? Les militaires sont venus. Les publicains sont venus. Le peuple venait à lui. Vous posez la question: que vas-tu faire? Que faut-il faire? Parce que Jean prêchait que repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Maintenant, regardez très attentivement, 12 Jean-Baptiste sort. Il sort du désert pour venir au peuple. Pourtant, il y avait le temple là-bas. Les souverains sacrificateurs se trouvaient là-bas. Les scribes se trouvaient là-bas. Dieu va chercher quelqu'un au désert pour venir parler au peuple. Quel est le problème? Dieu ne se trouve plus dans ce système. Mais il continue à faire les rituels qu'ils avaient établis. C'est un grand danger de s'éloigner de la parole de Dieu. Et ceci, ça a mené l'embrouille au milieu du peuple. Au point où le peuple ne savait plus dans quelle direction se diriger. Ce n'est pas qu'ils avaient jeté la Torah, que non. Mais ils avaient la Torah avec eux. Ils avaient mélangé avec les traditions. Ça a égaré le peuple. On se retrouve dans ce même problème maintenant aujourd'hui. Il dit, on se trouve dans ce même problème. Je crois que durant les jours, le Seigneur va nous permettre de parler. Vous allez voir qu'on est dans des problèmes. Maintenant, quand le peuple est venu vers Jean-Baptiste, ils ont posé la question à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? On s'attendrait à ce que Jean-Baptiste soit une nouvelle doctrine. Il a dit que celui qui a deux tuniques, donne-en une à celui qui n'en a pas. Est-ce que c'est une nouvelle? Est-ce une nouvelle doctrine? C'était écrit dans la Torah. Dans Deutéronome chapitre 8. Écoutez bien, peut-être vous ne me connaissez pas. Si vous attendez que je donne le verset biblique, c'est comme ça que ça va venir. J'ai pas la Bible, vous allez entendre seulement comme ça jusqu'à ce qu'il finisse. Voilà, dans Deutéronome chapitre 8, le Seigneur leur avait prescrit que lorsque vous serez entré dans le pays que je vais vous donner, ce pays où coule le lait et le miel, le lait et le miel. Voilà le kosam, le lait. Et donc là, lorsque vous allez planter et que le pays va vous donner des produits, des gros et des mini bétails, garde-toi d'oublier le pauvre qui est au milieu de vous. Les indigents. Les étrangers. Et garde-toi surtout de dire que toutes ces bénédictions, c'est ma main, ma force qui l'a donné. Dieu leur avait dit cela. Chacun a commencé maintenant, chacun commence à se glorifier que c'est parce qu'il est intelligent. C'est parce qu'il a beaucoup investi. Si vous lisez Luc chapitre 12, à partir du verset 15, le Seigneur parle d'un riche là-bas qui n'a pas honoré Dieu avec ses biens. Le Seigneur Jésus Christ dit, le champ d'un homme riche avait produit. Et il a dit que waouh, ma terre a bien produit. Qu'est-ce que je vais faire avec mes biens? Après, il a raisonné en lui-même, il a dit, je vais casser le grenier et construire des plus grands. Là pour stocker c'est bien. Et puis il a dit en lui-même, mon âme, tu as des bonnes nourritures pour les réserves pour longtemps. Il s'est glorifié lui-même. La Bible dit, cette nuit même, Dieu lui demanda son âme. Donc Dieu l'a tué. Et le Seigneur Jésus-Christ pose la question, ce qu'il a amassé, pour qui donc? Donc les gens commençaient à s'accaparer, ils ne comprenaient pas que les biens c'est pour qu'on distribue. On ne peut pas dire à quelqu'un que vous l'aimez et que vous avez le bien matériel et la personne est dans le besoin. Vous ne partagez pas. C'est que c'est la malédiction que vous avez avec vous. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste, quand il venait, il dit que celui qui a deux tuniques, dont une à celui qui n'en a pas. C'est une loi de Dieu. Parce que les deux commandements les plus terribles de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur et tu aimeras ton prochain. Là, ça tient la preuve qu'en réalité, il prêchait avec la parole, mais il ne vivait pas la parole. Regardez encore dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 32, l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Et ça, c'est au milieu des Juifs. Là, il se trouvait un riche et dehors de sa maison, un pauvre, extrêmement pauvre. La Bible dit qu'il désirait même manger les miels qui tombaient de quand j'étais là-bas. Même sa blessure, les chiens venaient la lécher. Donc vous voyez comment il y avait la dislocation dans le peuple juif. Pourtant, ils avaient une Torah, quoi, la Torah qui les dirigeait. La Torah n'avait pas changé. Mais ce qui avait changé, c'est qu'on on y avait mélangé les traditions. Le Seigneur s'est retiré. Maintenant, il sort quelqu'un du désert pour venir parler encore peuple. Ceux donc qui ont la loi depuis persécutent celui donc que Dieu a envoyé. Mais pourtant, ils sont censés servir le même Dieu. C'était au point où Dieu lui-même s'est enveloppé de la chair humaine, venu au milieu des hommes. Les créatures l'ont tué. Parce qu'ils étaient tellement aveuglés par les traditions qu'ils ont établies. Ils guérit quelqu'un le jour du sabbat. Il se fâche. Il dit qu'il y a 6 jours pour faire le travail. Pourquoi vous venez faire ça ces jours-ci? Par jalousie. Il ressuscite quelqu'un. Le nom de Dieu est glorifié. On vient de raconter qu'il a ressuscité encore Lazare qui était mort. Il signe son arrêt de mort. Ça, ce n'est pas les mondains qui ont fait cela. Ce sont les gens qui lisaient la Torah. Donc, on peut bien lire la Bible. Après, fermer cette Bible-là. Crucifier Jésus. Tout en s'appelant serviteur. Donc les questions de mon frère sont légitimes et c'est normal qu'on impose et on répond de la bonne façon. Vous voyez que je suis obligé d'aller brosser ces choses là pour que vous voyez quel tableau nous avons aujourd'hui. Alors maintenant, avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste est venu sur la scène. Pourquoi Jean-Baptiste est venu? Si vous lisez Isaïe chapitre 28, verset 8 ou verset 11, la Bible déclare que toutes les tables sont pleines de vomissures. C'est un peu ici, un peu par là. Précepte sur précepte. Et la Bible déclare que ces tables sont pleines de vomissures. Est-ce qu'on doit manger de la nourriture sur une table où il y a les vomissures? Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur prophétise là-bas. Il dit, eh bien, c'est pas des hommes aux langues baba que je parlerai à ce peuple, parce qu'il leur a donné la loi. Et Deutéronome chapitre 4 dit, le verset 2, il dit que vous devez examiner cette parole, vivre telle que c'est donnée, sans rien ajouter, sans rien en retranchant. Et là, ils avaient des vomissures sur la table. Quand nous approchons, quand nous sommes à la table du Seigneur, nous voulons manger du pain du ciel. Et si cette table-là, c'est tous les vomissures, les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit, gardez-vous des levains des pharisiens. Ils ont dit quoi? Ils pensaient du pain. Il dit que je parle des enseignements des pharisiens. Parce que le but des enseignements de Dieu, c'est de nous faire grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si un enseignement ne vient pas de lui, on va nous enchaîner encore dans les ténèbres. Alors, il a mis en garde ses disciples de se garder des levains de pharisiens. Avant que Jean-Baptiste ne vienne, on a mélangé la tradition. Un peu passé, un peu par là. Ça veut dire que les Sadducéens ont un peu une partie de la Bible mélangé avec les vomissures. Les pharisiens ont un peu de la Bible mélangé avec les vomissures. Dieu ne veut pas que sa parole soit mélangée. Ça doit être sans tache ni ride. Et donc, ouais, je ne sais pas si vous comprenez, vous tous. C'est vrai, on dit que c'est dans la table des pharisiens se trouve le mélange. Aucune personne qui prêche les fausses doctrines ne prêchera jamais les fausses doctrines totalement. Il y aura des aspects de vérité. Vous prenez, beaucoup d'entre vous, vous êtes sortis de l'église catholique, pas vrai? Vous prenez l'église catholique. Si vous prenez, vous considérez l'église catholique, elle n'enseigne jamais que Satan est Dieu. Enfin, même dans le credo, il récite qu'il croit en Dieu, créateur des cieux et de la terre. Vous vous êtes proche des religions musulmanes, vous pouvez comprendre la shahada, la confession de l'unicité de Dieu et de son prophète. Les catholiques oui de son de la confession de Dieu et de son prophète et jangri de kadi on kadi e jomirawo be anabi jomako. Voilà, donc maintenant les catholiques ont leur credo. Les catholiques, vous remarquez que jangri et que vous connaissez. On nous andi. Il dit qu'il croit en Dieu, le Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Qui a envoyé son fils dans la chair humaine. On ne likadi bi domako de. Ne suppose pas. Oh, ça c'est chose de la Bible. Um la tu ne ressusciter des morts. Assis à la droite de Dieu, puis cache un aspect. Ils disent il reviendra juger les vivants et les morts. Or, il y a l'étape de l'enlèvement qui n'est pas dit là-bas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Jésus n'est pas, il est venu sur la chair, dans la chair humaine, il est effectivement mort. Il est assis à la droite de Dieu actuellement alors que nous prêchons. Mais il ne viendra pas directement juger les vivants et les morts. Avant cela, il faut qu'il y ait l'enlèvement. Donc, on a caché l'enlèvement aux catholiques. On les prépare donc au jugement. On ne sait pas si vous comprenez le danger. Donc la table est mélangée avec les vomissures. Dans leur confession, ça montre clairement que l'esprit est derrière. Il dit, nous attendons Jésus qui est allé assis à la droite de Dieu, qui revient pour nous juger. Or, la Bible déclare qu'entre le moment de sa venue, dans Jean 14, verset 1, Le Seigneur Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, il dit, je reviendrai. Donc, il a dit quoi? Je reviendrai. Il n'a pas dit je reviendrai vous juger. Il a dit je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça ne se trouve pas dans la confession catholique. L'enlèvement n'est pas enseigné par les catholiques. Combien de milliards de personnes se trouvent enfermées dans ce système? Donc vous voyez qu'ils ont des aspects de la vérité. Mais plein de vomissures. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il est bon dans le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. C'est dans la bonne nouvelle, l'évangile, que effectivement Christ est venu, il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, viendra nous chercher. La bonne nouvelle. Mais eux, ils attendent le jugement. Alors, ils peuvent créer dans un endroit qu'on appelle purgatoire. Que même si tu as péché, tu dois aller là-bas. On doit purifier ton péché et tu vas passer pour aller au paradis. Les gens vivent dans cet engrenage. Après, ils sont surpris que quelqu'un ferme les yeux. Ils voient la vraie vérité de l'autre côté. Là, on ne peut plus rentrer sur la terre. C'est l'enfer. Pour toujours. Vous comprenez le mensonge? D'où la nécessité d'examiner tout ce qu'on nous enseigne. Pour savoir si c'est scripturé, si c'est aligné avec la parole du Seigneur. C'est n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de doctrine de purgatoire dans la Bible. Dans Hébreux 9, verset 27, la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'Apocalypse chapitre 14, le verset 13, la Bible dit que heureux dès à présent les morts qui meurent en Christ afin qu'ils se reposent de leurs œuvres. Vous voyez, donc quand vous mourrez dans le Seigneur, vous êtes dans le repos. Il déclare que les œuvres les suivent. Donc quand on meurt dans le Seigneur, on est bien. Quand on meurt, c'est terminé. Votre livre sur la terre est fermé. Le chapitre 20 d'Apocalypse, verset 11 à 15, dit que la mort va lâcher les morts. Le séjour de mort va lâcher les morts. La mer va lâcher les morts. Les livres seront ouverts. Un autre livre sera ouvert. Le livre de vie. On sera jugé d'après les œuvres qui sont écrites là-bas. Mais souvenez-vous, l'épouse église est enlevée, elle ne passe pas par ces jugements-là. Donc ceux qui ont négligé toutes ces choses-là seront. On va aller vous ouvrir les livres. Alors maintenant, si vous êtes sur la terre, alors que cet esprit est sur la terre maintenant en train de préparer l'épouse, il ne vous prépare pas pour le jugement. Il faut qu'on soit prêt pour l'enlèvement. C'est l'espérant des croyants là-bas. L'apôtre Paul a dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Quand il parlait en son époque, sachant exactement qu'il ne vivra pas l'enlèvement, il s'est inclus lui-même. Parce qu'en réalité, comme avant que le Seigneur Jésus ne vienne, ou qu'on soit vivant de sa venue, ça ne change pas l'état. Le chrétien qui soit couché dans le sommeil de la mort, ou qui soit encore vivant, la Bible déclare que nous, les morts ne devanceront, les vivants ne devanceront pas les morts. En un instant, en un clin d'œil, on sera changé. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. On va les retrouver dans les nuées. Et on va monter. Ça, c'est un scandale pour les gens. Des choses qu'on ne peut même pas penser. Mais comme il avait promis qu'une vierge va enfanter et qu'effectivement, cette vierge finalement enfanté, comme il a promis comme ça, il le fera. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je peux répondre à la question, d'accord? Vous allez comprendre le pourquoi ils sont de construire tous ces haies tout autour de ces questions-là. Parce qu'en réalité, en disant comme ça, ça explique beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup d'autres portails dans les cœurs. Je peux tout simplement répondre à sa question que la nouvelle naissance, c'est ça, le parler en langue, c'est ça. Mais les doctrines du Seigneur sont comme des châteaux de cartes. Ou bien comme un plat qu'on a placé en escalier. C'est lié entre elles, les doctrines. Une doctrine touche une autre. Une autre doctrine est connectée à une autre. Mais Dieu les a dissimulés dans la Bible comme ça. Pour que ce soit son esprit qui les arrange. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc tout ce que je suis en train de dire là, on a à voir avec ces questions. Et bien d'autres encore. Voici la première connexion. C'est que si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez même pas participer à l'enlèvement. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Voilà. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas espérer avoir le don du parler en langue. Vous voyez le pourquoi je suis obligé d'expliquer tout ceci. Ah, donc ça veut dire que pourquoi j'explique donc la nouvelle naissance et le parler en langue, faut qu'on touche le baptême du Saint-Esprit. Faut qu'on touche maintenant comment est-ce qu'on est avec en Christ véritablement. D'où la nécessité de comprendre toutes ces choses. Alors maintenant, c'est la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes ont enseigné que la nouvelle naissance c'est ceci. On donne sa vie à Jésus. On se baptise dans l'eau. Et on est né de nouveau. Vous-même honnêtement, c'est ce que la Bible enseigne. On a des problèmes, n'est-ce pas? Vous prenez tous les chrétiens, même les catholiques, n'importe où. Vous dites, est-ce que tu es né de nouveau? Il va dire que oui, je suis né de nouveau. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21, il dit que plusieurs me diront en ces jours-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Seigneur, si nous n'avons pas guéri en ton nom, il dit, je ne vous connais pas. C'est scandaleux, pas vrai? C'est vraiment un scandale. Que tu dises au Seigneur, tu crois que c'est ton Seigneur. C'est toi qui l'appelles Seigneur. Et lui dit qu'il ne te connaît pas. C'est vrai que tout le temps que tu as passé sur la terre, tu t'es trompé. Faisons attention. Donc il faut qu'on vérifie la fondation sur laquelle on se tient. C'est important parce que notre vie en dépend. Ça ne dépend pas de la vie d'une autre personne. Chacun doit vérifier. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, quand le Seigneur passait avec ses disciples, Pierre a examiné le temple, les pieds qui formaient le temple. Il dit, waouh, maître. Tu vois les décorations de cette âme et les pierres. Il s'est tenu le village à regarder. Il a dit que tu vois ces pierres, il n'y restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruit. Et là, ils ont posé des questions au Seigneur. Quand est-ce que cela arrivera? Quel sera le signe que ces choses s'accompliront et de la fin du monde? La première chose que Jésus a dit, si vous lisez le verset 6 du chapitre 24 de Matthieu, il dit, prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, il veut dire, avant que ce moment n'arrive, il y aura l'esprit de séduction. La tromperie religieuse te fait croire que tu es bien avec Dieu alors que Dieu ne te connaît pas. Pointe quelqu'un. Dis, vérifie ton état devant Dieu. Donc, dis à quelqu'un, vérifie ton état devant Dieu. Pourquoi allez-vous devant le miroir chaque fois? Quand vous êtes sorti aujourd'hui? Quand vous allez devant le miroir, c'est pour faire quoi? C'est pour vérifier, n'est-ce pas? Si vous êtes bien habillé, si peut-être pour les femmes, si le foulard est bien attaché. Le reflet que le miroir vous donne, c'est la réalité de ce qui est réel sur vous. Donc, il faut que chacun s'examine. Avant que le Seigneur lui donne tous les signes de la fin du temps jusqu'à sa venue, il a d'abord parlé de l'esprit de séduction qui va régner. Le verset 6 de Matthieu 24, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. On a posé la question sur comment tu vas venir, quand ça va venir, qu'est-ce que c'est le signe? Il dit, le premier signe, c'est la séduction. C'est la séduction. C'est-à-dire la tromperie religieuse. Pour ceux qui ne parlent pas de Jésus, la religion musulmane, les bouddhistes, les islamistes, tout cela, on sait que c'est déjà faux. Donc on sait que c'est faux. Le danger, c'est quand quelqu'un tient la Bible, commence à parler du Seigneur Jésus, et qu'il a sur le cœur la tromperie, le désir de s'enrichir. On prend le verset biblique pour tordre pour que vous lui donniez de l'argent. Voici la personne la plus dangereuse comme ennemi sur la terre. C'est-à-dire qu'il va prendre la parole de Dieu, t'est présentée. Mais un objectif est derrière. Pour avoir de l'argent. Dans Timothée chapitre 6, verset 3, la Bible déclare que si quelqu'un enseigne les fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, la doctrine qui est selon la piété, on dit qu'il ne sait rien. Puis la Bible continue en disant que plusieurs personnes croient que la piété est une source de gain. Donc il faut prendre les enseignements bibliques pour avoir de l'argent. Ils ont beaucoup de techniques. La Bible est écrite. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19, disent que c'est parfait. On ne doit rien ajouter. Rien retranché. Aujourd'hui, les gens savent que si vous lisez seulement ça, non seulement vous allez avoir la relation avec le Seigneur, vous allez avoir également la connaissance de la vérité. Parce que les saintes écritures sont faites pour corriger, enseigner, instruire, afin que l'homme de Dieu parvienne à la justice. Maintenant, les pasteurs ont des techniques maintenant. On écrit les livres. On dit que ces livres-là, vous te fait bien comprendre la Bible. Je me tiens devant vous et devant les anges du ciel pour vous dire ce dont vous avez besoin pour comprendre la Bible. N'est pas un livre d'un pasteur quiconque. C'est l'Esprit de Dieu. Vous en avez besoin. C'est l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre les Saintes Écritures. Pas un livre explicatif de la Bible. Il n'existe rien de tel sur la terre. Dieu a donné les Saintes Lettres. Si vous lisez Daniel au chapitre 10, 11 et 12, l'ange lui a donné l'instruction d'écrire. Daniel lui-même ne comprenait pas ce qu'il disait. Il a dit, toi, écris. Ça ne te concerne pas. C'est pour l'époque de la fin. La connaissance va grandir. Dans ce temps-là, ils vont comprendre. Donc l'esprit sera là pour ouvrir l'intelligence. Et nous sommes dans cette époque-là marquée par l'esprit. L'époque de la grâce. Donc ça dit, le Saint-Esprit est là pour nous expliquer les Saintes Écritures. Mais les gens écrivent ces livres-là pour vous éloigner des Saintes Écritures. Tout en prenant les choses du Saintes Écritures. C'est ça le problème. On va vous dire, vous écrire par exemple sur le mariage. C'est quoi le mariage? La Bible a déjà répondu. La Bible a répondu. C'est pas ce que vous comprenez. Quel est le problème de cette personne-ci? Il sait que si vous êtes saint et qu'il écrit un document, ça fait 5000 par document. Il vous oblige à acheter. 5000 fois 100, ça va lui faire quoi? Ça lui fait combien directement? 500 000. C'est pas ça? Directement, il a 500 000 derrière un livre. Si il me dit comme ça deux fois. Il a 1 million. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas ce qu'il en est. Où est le pasteur aujourd'hui avec le ventre, les voitures, ainsi de suite? Il dit que Dieu l'a béni. Qu'il est serviteur de Dieu. Dieu l'a béni. En réalité, Dieu ne le connaît pas. C'est vous, c'est votre bénédiction qui l'arrache. Mais le Seigneur a dit ces choses-là dans la Bible, mais personne ne prend garde. Il a dit prenez garde. Car plusieurs faux prophètes s'élèveront. Vous me donnez vraiment le temps de parler. Il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Si vous regardez dans Matthieu, que je viens de citer, frère, viens. Viens, oui, toi, viens. Voilà. Voici la chaise. Assieds-toi là-bas. Écoutez très attentivement. Frère, lève-toi. Quand tu te lèves là, tu dis quoi que tu t'es. Comment tu dis? Je me lève. À haute voix que les gens entendent. Je me lève. Donc il s'est levé. Donc, si je m'assois, je me lève, on dit je me suis levé. D'accord. Maintenant. S'il avait le pouvoir de monter du ciel, de la terre pour essayer de se suspendre. On dit qu'il se lève. C'est différent. Le verbe s'élever. Et s'élever, c'est différent. Vous comprenez la différence? S'élever, ça veut dire que j'étais au sol et je me relève. Le deuxième là, s'élever, ça suppose que il va prendre la place qui n'est pas sienne. Il va se montrer, se manifester. C'est ce qu'on dit dans Matthieu. Si vous verrez, faites très bien. C'est-à-dire que quand vous êtes assis sur une chaise et que vous vous levez, ce n'est pas ça qui est écrit dans Matthieu. C'est plutôt le deuxième que je viens de l'expliquer. Il va se lever. Donc, vous voyez pourquoi les gens se glorifient maintenant. Les hommes de Dieu se glorifient. Merci frère, viens t'asseoir. Vous comprenez? Alors, il dit que plusieurs personnes vont se lever. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui l'a élevé. Dieu a suscité David, il était au champ. C'est lui qui l'a élevé. Vous voyez cela? C'est Dieu qui l'a fait quitter d'une position misérable de la boue, de la pauvreté, au trône. Ça, c'est l'élévation qui vient de Dieu. Donc, il y aura les élévations sur la terre. Puis, dans ce même Matthieu 24, il dit plusieurs faux Christ paraîtront. Donc, Christ veut dire quoi? Il dit plusieurs fausses personnes qui auront une fausse onction vont se manifester. Mais le plus grand danger, c'est que ces personnes ne sont pas à l'extérieur de l'église. Parce qu'il dit du milieu de vous. Du milieu. Donc ils seront au milieu. C'est au milieu de l'église que ça se trouve. Alors si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Dieu, fait chair, nous donne toutes ces indications-là, réitérées plus tard par les saints apôtres. Je vais citer le verset tout à l'heure. À quelle heure nous vivons? Qu'avons-nous reçu? De quel enseignement avons-nous reçu? Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Donc, ils vont se lever. Ils parlent de faux prophètes. puis parle de faux Christ. Deux choses différentes. Les Christ, ce sont les gens qui ont les onctions. Une onction, quelqu'un aura une onction. Mais une fausse onction. Ils feront des miracles au problème de séduire s'il est possible, même les élus. Donc les miracles et les onctions seront très proches du Saint-Esprit. Vous voyez que je ne peux pas prendre votre question à la légère. Il faut qu'il y ait de sens. Alors, une question me vient tout naturellement sur le cœur. Chacun peut prendre une Bible. Mettre le col pastoral. On achète ça partout. Et puis on se tient devant toi, où voit effectivement quelqu'un en veste avec le col pastoral. Vous, qu'avez-vous comme thermomètre pour savoir que devant vous se trouve un homme authentique de Dieu ou bien un usurpateur? Qu'avez-vous au juste? Vous voyez qu'on a des problèmes. D'où la nécessité de chercher la connexion avec le Seigneur. C'est la seule. C'est la seule. Parce que s'il dit, si le Seigneur dit, ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si quelqu'un n'est pas élu, ça veut dire qu'il est automatiquement séduit. Donc seuls les élus pourront échapper à la séduction. Seuls. Parce que Dieu les a choisis et les a mis à part. Dans Luc chapitre 21, si vous lisez le verset 31, 32 et 33, le Seigneur donne le renseignement à l'apôtre Pierre. Quand il était là, il gesticulait que je vais te suivre partout. Il s'est tourné vers lui. Il dit que Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Le renseignement que le Seigneur Jésus-Christ donne, si fermez sa bouche, on ne saurait pas que quelque chose se passe dans le spirituel. Et Satan vous a réclamé. Il n'a pas dit t'as réclamé, il dit vous a réclamé pour vous cribler. Permets-moi de frapper tes disciples. Jésus n'a pas dit qu'il a dit non. Il n'a pas dit qu'il l'a accepté. Il dit quand Satan a demandé, il a prié que durant ces moments que Satan va faire ces choses, que sa foi ne défaille point. Donc la requête de Satan a été acceptée. Je veux que vous mesurez le propos du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit que j'ai bloqué pour qu'il ne vous frappe pas. Il dit que j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Donc la requête de Satan a été acceptée. Il va cribler. Mais ils vont tenir. Vous voyez? C'est pour ça que l'apôtre Pierre lui nous écrit. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 10, il dit le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-le avec une foi ferme, sachant qu'après que vous avez souffert, Dieu va vous rendre inébranlable. Il connaît par quelle expérience il est passé. Donc ne pensez pas que quand vous allez prier que Seigneur, couvre-moi pas ton sang, ça va revenir. Quand Satan a réclamé, si Dieu accepte, vous n'avez rien à faire. Vous allez même passer par là. Vous comprenez, frère? Donc le grand danger de cette époque-ci, ce n'est pas le mondain dehors. C'est au milieu chrétien que ça se trouve. Prenez garde, dit la Bible. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. L'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, quand il voyait effectivement qu'il en est de quitter la scène, il a appelé les anciens de l'église d'Éphèse. Le verset 17 de Actes des Apôtres, chapitre 20, dit Milet, c'est une ville. Il envoya appeler les anciens de l'église. Quand les anciens sont venus, souvenez-vous qui sont les anciens? Les surveillants du troupeau. Les surveillants du troupeau. Les surveillants du troupeau. Dont la charge d'évêque. La Bible dit que c'est une charge excellente. C'est la meilleure des fonctions qu'un être humain peut occuper sur la terre. Parce qu'il est le relais entre les dieux et les hommes. Les anciens. C'est le sommet de l'église. Il dit sommet, il parle de la tête, il dit le sommet. L'église visible a pour charge physique les anciens. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul voit ce qui arrive. Il les appelle. Ils se réunissent avec eux. Il dit que vous savez que depuis qu'ils sont entrés ici, vous êtes prêché la repentance. Et la pratique d'œuvres bonnes, digne de la repentance. Et nuit et jour, je n'ai cessé d'exhorter chacun de vous avec des larmes. Un prédicateur qui prêche avec les larmes. Nos prédicateurs prêchent avec la main dans la poche. Il montre ses terrains. Ces voitures, ces jets privés. L'apôtre Paul prêche en pleurant. Pourquoi il les exhortait? Il les exhortait parce qu'il comprenait la charge qu'il est incombé. Le poids que Dieu déposait à leur épaule. La répercussion sur les brebis. Et de l'autre côté, il voyait ce qui doit leur arriver. Il dit, je sais qu'après mon départ, il ne doute pas, il dit, je sais qu'après mon départ, il se lèvera du milieu, gardez bien le mot, du milieu de vous, les anciens, des loups cruels. Regardez comment on les appelle, loups cruels, qui n'épargneront point le troupeau. Vous entendez ça, frère? Donc les prédicateurs qui assurent les forces d'ossure sont tassés de loups cruels. Parce qu'on doit perdre les âmes pour présenter l'épouse au Seigneur. Mais ici, si on prend une doctrine qui n'est pas de Dieu, on a de détruire les âmes. Des personnes pour qui notre Seigneur jusqu'à aller à la croix verser son sang. Quelle malédiction pour quelqu'un de prêcher ce qui n'est pas biblique. Dans Marc 9, le Seigneur Jésus avait dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Donc les scandales vont sauf qu'à arriver. Mais malheur par qui cela doit arriver. Il dit que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croyait en moi, c'était mieux pour lui qui ne vient pas au monde. Vous comprenez les sanctions, frère? C'est-à-dire que si tu mets un achoppement entre un chrétien, tu as la plus lourde peine de condamnation devant le trône de Dieu. Il dit que c'était mieux pour toi que tu ne naisses pas. Ou bien qu'on attache un gros moulin, la partie du moulin qui pèse là. On te jette dans le fond de la mer pour que tu ne puisses pas sortir. Que de scandaliser un seul petit. Donc c'est une exhortation que si tu connais que tu n'as pas été appelé à la charge d'enseigner ou bien d'enseigner, il faut quitter. Surtout, c'est un danger. Il faut avoir reçu cette charge-là du Saint-Esprit. Si ce n'est pas du Saint-Esprit, et que les gens ont dit que non, tu sais bien parler, ta voix sort bien. On dit, tu peux être pasteur. Comme les gens créent l'église aujourd'hui. Il nomme son ami pasteur, sa femme est prophétesse. C'est leur entreprise. Et les pauvres personnes viennent pour chercher Dieu. Sincèrement pour chercher Dieu. Mais là, se trouve, on les tourne pour avoir de l'argent. La Bible déclare que toutes ces personnes-là, c'est mieux pour eux qu'ils ne naissent pas. Alors l'apôtre Paul les appelle les loups cruels. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura. Il n'a pas dit en dehors de vous. Il dit parmi vous, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis dans aucune deuxième prophétie, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Donc il y a la prophétie des faux pasteurs qui arrivent, la prophétie des gens qui vont suivre les faux pasteurs. Vous comprenez cela? Donc comme Éphésiens chapitre 4 parle des 5 ministères, De la même façon, le diable a ses 5 ministères. Le Seigneur a dit qu'il y aura des faux prophètes. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en anges de lumière, en ministre de justice. Donc, Jésus a parlé des prophètes, l'apôtre Paul parle des faux apôtres, et si l'apôtre Pierre parle maintenant des faux docteurs. Vous comprenez ça, frère? Donc, vous voyez, les piliers même de l'église se trouvent aussi chez le Satan, les piliers aussi. Le plus grave, que le faux est nombreux, plus nombreux même que le vrai. Voilà le plus grave. Sinon, prenons seulement la dénomination catholique. Combien de milliards de personnes sont catholiques? Combien de milliards, écoutez bien le mot, milliards sont catholiques? Où est-ce qu'ils se dirigent comme ça, frère? Où est-ce qu'ils se dirigent avec l'idolâtrie? Ça, c'est les catholiques que j'ai cités. Remarquez bien qu'ils ne citent pas les religions musulmanes parce qu'eux, ils sont déjà dans le faux. Je parle des gens qui ont les saintes écritures et qui sont en train de parler de Dieu. Jésus donc dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Combien de chrétiens catholiques sont dévoués comme ça depuis le matin? D'autres même sont dans le couvent où ils s'habillent, comme vous voyez comment ils s'habillent. Mais Jésus va dire qu'il ne les connaît pas. Parce qu'il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance, c'est le commencement. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Donc, la nouvelle naissance, c'est le commencement. Le commencement, ce n'est pas d'aller à l'église. Le commencement, ce n'est pas d'appartenir à une religion. Que non, je suis sorti de catholicisme, maintenant chez les témoins de Jéhovah. Je suis chez les églises réveillées. C'est pas ça. Si vous naissez de nouveau, maintenant, je veux toute votre attention. Toute votre attention maintenant. Le signe que vous êtes né de nouveau, c'est comment? Vous voulez savoir ce que le Seigneur dit de ces signes des gens qui sont nés de nouveau? Okay. Jésus Christ a dit qu'il parle de religion en religion. C'est ça, non? C'est pas ce que Jésus a dit. Vous pensez ce qu'il a dit? Vous pensez que Jésus a dit que ceux qui sont naissent de nouveau? Le signe, c'est qu'il quitte de religion en religion. Le fait que tu quittes dans un lieu pour un autre montre qu'il y a un problème. Donc tu t'es rendu compte que quelque chose ne va pas. Pourquoi tu vas chercher quelque chose encore quelque part? Mais le Seigneur, là où il parle de nouvelle naissance, il dit ceux qui sont nés de l'esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est né de l'esprit. J'arrive. Maintenant, il dit ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Parce qu'on ne peut pas le maîtriser. Il souffle dans une direction, dans une autre. Vous pouvez arrêter le vent, frère. Dans ces cas, pourquoi on emprisonne les gens dans les dénominations? Et jusque-là, ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Un né de nouveau ne peut pas être emprisonné. Oui, parce qu'il est esprit. On ne peut pas arrêter l'esprit. Eh bien, dans ces cas, comment se fait-il que quelqu'un va rester là devant vous? Il dit les choses qui sont contre la Bible. Tu sors l'argent, tu lui donnes. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. Donc le signe qu'on est né de nouveau, c'est pas qu'on fait on va toucher ça tout à l'heure. Souvenez-vous que je vous aime. Je vous aime. Depuis 3 jours, je pleure à cause de vous. Parce que j'ai vu la miséricorde que Dieu a pour vous. Si vous avez remarqué, quand on a commencé à chanter, j'étais obligé de quitter au milieu de vous pour aller à Badere pour pleurer. Il dit, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi tu oses m'envoyer au milieu de ce peuple-ci? Vous pouvez vous considérer comme n'étant pas important pour le Seigneur. C'est comme ça que David se considérait. C'est comme ça que Gédéon se considérait. Vous voyez ça? Mais Dieu a laissé tous les grands serviteurs qui étaient là-bas, il s'est tenu devant Gédéon. Il dit, vaillant et revoir la force que tu as va délivrer Israël. Quand Samuel allait où est le roi, il a vu le grand frère de David. Il était tellement musclé, bien bâti. Il est venu verser le sang, il va dire, arrête. Il dit, lui, je l'ai rejeté. dont Dieu ne considère pas ce que l'homme regarde. Ne regardez pas les grandes constructions où les gens sont bien habillés. Ils disent waouh, ils ont Dieu. Ce n'est pas en ça qu'on mesure Dieu. Non. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Et cette crainte-là, c'est s'éloigner du mal. Donc s'éloigner du péché. S'éloigner du péché. J'ai senti quelque chose au milieu de vous qui n'est jamais ressenti quelque part, ça quelque part. L'espérance dans le Seigneur. Ça, j'ai pas vu ça quelque part. Oh, permettez-moi. Parle à ce peuple. Le Seigneur Jésus vous aime. Le Seigneur Jésus vous aime. Il vous aime tellement. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais pour ce peuple. Considérez sa parole, considérez sa parole. Craignez-le, craignez-le. Vous avez l'espérance, vous avez l'espérance. Mais craignez-le, craignez-le. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Père. Père. Père, je te présente le cœur de ce peuple. Oh Père, je te présente le cœur de ce peuple. Parle à leur cœur, Seigneur. Parle à leur cœur, Seigneur. Oh. Mes frères, mes soeurs, le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime. Considérez sa parole. Considérez sa parole. Répandez vos cœurs vers lui. Et demandez pardon pour toutes les offenses que vous lui avez faites. Il connaît vos iniquités. Vous ne pouvez pas vous cacher. Malgré votre apparence, vous n'êtes pas caché au-devant de lui. Il vous connaît. Il vous connaît. Il connaît tout ce que vous faites dans les ténèbres. Il connaît. Parlez-lui et enlevez ces obstacles avec, entre vous et lui. Enlevez ses péchés. Enlevez. Parlez-lui dans la repentance. Parlez-lui dans la repentance. Parlez-lui. Parlez-lui. Déchirez vos cœurs devant lui. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Oh Père, Seigneur, je te demande pardon pour ce peuple. Père, j'amène le cœur de ce peuple devant de toi. Oh Seigneur. Oh Dieu. Seigneur, amène ce cœur de ce peuple à toi. Parle-moi, oh Dieu. Parle-moi, oh Dieu. J'en ai ce cœur pour toi. J'en ai ce cœur pour toi. Oh, Père, j'ai appris à ma part, c'est comme si je n'avais pas. Oh Dieu, n'aie pas la puissance, Seigneur. Le pardon. Oh Seigneur, le pardon. Seigneur, je te présente ce peuple. Je te présente au-dessus de gloire. Seigneur, pardonne les iniquités. Pardonne le péché, Père. Oh Seigneur, j'amène le cœur devant de toi. J'amène le cœur devant de toi, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui peux réussir. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu prennes le cœur de ce peuple pour son résidence. Je prie au Père que tu transformes le cœur. Que tu transformes leur vie. Seigneur, tu entends, oh Dieu, de gloire, les cris de leur âme, les cris de leur cœur, Père, ils se répandent devant de toi. Dieu de gloire, ils se répandent. Ils se répandent, oh Dieu de gloire, de les œuvres. Je prie au Père que tu effaces leur transgression, que tu effaces, oh Dieu de gloire, les multiples transgressions devant de toi. Que tu les pardonnes, oh Père. Que tu les pardonnes, Dieu de gloire. Seigneur, oh Père. Bien-aimé, présentez-lui votre cœur. Présentez-lui votre cœur. Nous allons prier parce qu'on peut faire le bon. Tu t'es préparé pour que Dieu te parle. C'est là, ton âme est en danger. Tu as été séduit. J'ai été séduit. Nous sommes dans la prière, nous prions. Parce que la Bible dit que n'en jugez pas vos cœurs. Le Saint-Esprit vous parle. Nous voulons. Nous allons prier pour le grâce de jugement du cœur. Souvent les gens sont endurcis, sont endurcis par les pensées qui ne demandent pas les pensées de raisonnement. Pour que tu sois né de nouveau. Oh, en vote, c'est possible. Je vais te respecter. Merci pour l'esprit de répandre, les supplications que tu accordes. Oh, tu nous gloires. Oh, Saint-Esprit, merci pour l'esprit de l'eau. Oh, Père, je viens devant toi et ce peuple. Seigneur, tu connais les besoins. Ils ont réclamé que tu ouvres les écluses pour eux. Je prie, Père, que tu ouvres les écluses. Seigneur, ouvre pour eux. Ouvre, Père de gloire, ces robinets. Ouvre, Père de gloire, dans le cœur. Que ton esprit souffle dans le cœur. Que ton esprit coule dans le cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ouvre ton écluse. Que ce peuple si Père de gloire expérimente ce moment de rafraîchissement. Et je prie, oh Dieu, que tu ne retiens pas ton robinet. Mais ouvre sur ce peuple, oh Dieu. Ouvre sur ce peuple maintenant. Ouvre, Père de gloire. Oh Dieu, nous nous attendons à toi maintenant. Nous attendons à toi maintenant. Merci Père pour ta promesse. Merci parce que tu l'accordes pour nous. Maintenant, attendez-vous maintenant à lui. À lui seul. À lui seul, on se remet. Seigneur, je suis là avec ce peuple. Je suis là avec ce peuple maintenant devant de toi. Merci pour cet esprit de supplication. Merci Père de gloire pour cet esprit de supplication. Merci Père pour les ténèbres qui disparaissent de leur cœur. Merci pour les iniquités qui sont nettoyées. Merci Seigneur Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci Père pour ces pierres que tu as ôtées sur le cœur. Merci Père pour ces ténèbres que tu as fait disparaître des cœurs. Seigneur, nous attendons à toi. Nous attendons à cette écluse, Père. Nous attendons à toi. Bien-aimé, disposez-vous maintenant pour lui. Seigneur, nous attendons à toi. Merci Père de gloire pour ce rafraîchissement. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Père, ils sont à toi. Père, ils sont à toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Oh, merci pour ton peuple. Pour ceux qui ont le cœur qui ne peuvent pas pardonner, pardonnez maintenant. Pardonnez maintenant. vous avez les gens sur le cœur, pardonnez. Pardonnez. Ton frère a parlé, que plus fort on a, la Bible, la parole de Dieu nous demande de se pardonner. Vive ton frère dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dis, Romain? L'esprit. Mais s'il a fait comment il a agi. C'est quoi lui? Non, il casse. Tu dois pardonner. Bien. Nous sommes prêts à pardonner. Parce que c'est l'esprit qui a tiré une révélation, Et nous pouvons bien vous écouter. C'est là où on a fait des temps. Pardonner. Mais d'autres pardonnent, ils ne pardonnent pas réciproquement. Voilà l'esprit de Dieu, répète cela encore. Nous sommes temps. Je crois que nous sommes dans la prière. C'est à un moment là, tu peux pardonner ton frère réciproquement. Là où tu l'as. Nous allons prier Dieu. Comme il a dit, je dois pardonner mon frère. Nous tous, nous sommes dans la prière. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Là-bas, levez-vous. Levez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Non, non. Ceux qui sont à genoux, ceux qui sont prosternés, levez-vous. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Et que ces choses qu'il a enlevées sur vos cœurs ne permettez plus que ça entre. Cet esprit de supplication qu'il a déversé ici. C'est pour vous maintenir en harmonie entre vous et avec lui. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un peuple privilégié. Il vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Baissons la tête, prions. Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce que tu fais pour nous. Merci Père de gloire pour cet esprit de supplication et de grâce que tu déverses en ces lieux, Père, parce que tu veux les réveiller avec ta puissance. Merci Père de gloire pour ton esprit, ô Dieu de gloire, que tu disposes pour eux. Seigneur, merci pour cette église que tu as ouverte pour eux. Merci ô Dieu de gloire parce qu'ils ne seront plus mêmes. Merci parce qu'au Dieu de gloire, en ce lieu, au Dieu de gloire, ils seront que Jésus-Christ est Seigneur véritablement. Merci Père de gloire pour ce que tu as fait. Merci pour les transformations des cœurs. Merci pour le renouvellement de la force. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci Père de gloire pour les poids que tu as ôtés. Merci pour, au Dieu de gloire, cet adultère que tu as pardonné. Je te remercie, Seigneur Dieu de gloire. Merci Père de gloire pour cet esprit de culpabilité que tu as retiré du cœur. Merci au Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Merci au Dieu de gloire pour cette femme, au Dieu de gloire qui avait gardé dans compte son mari et qu'elle pardonne maintenant. Merci Père de gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Que ton nom se soit élevé et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si n'importe qui vous fait n'importe quoi, en tant que chrétien, vous devez comprendre ces principes-ci. Pardonnez. Vous ne pardonnez pas. à cet instant-là, vous avez bloqué l'agissement de Dieu dans vos vies. Même si quelqu'un vous fait n'importe quoi, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Donc je vais vous laisser 5 minutes. Si vous êtes ici entre vous, et que vous ne vous entendiez pas bien, prenez ces 5 minutes ici pour aller embrasser ton frère. Tu lui dis je te pardonne. Que cet obstacle soit ôté. Je reviens après cela, d'accord? Que Dieu vous bénisse. A tout à l'heure. Mm. 5 minutes et puis on va revenir, d'accord? Mm.